Avis de grève. En raison d'un mouvement social national, nous vous annonçons que les programmes habituellement proposés ne pourront être diffusés. Bah non, on est là, on est là, nous. Bon, bah, dans ce cas-là, on y va, hein. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle émission d'Europe'n'Roll animée par les étudiants de Sciences Po à Nancy qui décryptent avec vous l'actualité européenne le dimanche à 13h et le lundi à 17h30 sur Radio Fadjet. En cette semaine de mobilisation générale en France, toute l'équipe espère que votre semaine a été riche de réflexions, de discussions, d'émotions et que si les grèves ont pu quelque peu perturber le déroulé de vos activités quotidiennes, vous avez eu beaucoup de temps pour rattraper toutes les émissions d'Europe'n'Roll à podcaster sur Spotify. De notre côté, on a longtemps tenté de l'éviter, ce sujet ô combien clivant, brûlant, mais aussi extrêmement important de la réforme des retraites. Mais voilà, il nous a semblé qu'il devenait de plus en plus difficile de passer à côté, de le mettre sous le tapis et de faire comme si. Alors oui, Europe'n'Roll s'inscrit aujourd'hui dans le tourbillon médiatique autour de la réforme et des réactions qu'elle suscite, mais pour nos auditeurs les plus habitués, vous savez qu'ici on fait dans l'originalité. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une analyse décentrée, unique, ou du moins on l'espère, mais surtout européenne. Je vous assure que ça vaut le coup, alors restez avec nous. Actu, débat, culture, idées, musique. Ça c'est l'Europe. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe'n'Roll. On vous l'a promis, pas question pour Europe'n'Roll de reproduire les mêmes débats que partout ailleurs. Nos chroniqueurs se sont aujourd'hui servis de leur qualité d'inventivité et d'originalité pour vous proposer une nouvelle analyse de la question des retraites. Et pour mieux la comprendre, justement, quoi de mieux qu'une contextualisation à l'échelle européenne ? Victor commencera donc par nous présenter l'histoire du système des retraites en Europe. Quelle différence entre la France, la Suède, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne ? Il nous dira tout. Ensuite, parce que la réforme des retraites, ça concerne aussi les jeunes, Louise Wagner, étudiante à Sciences Po et représentante de l'UNEF, débattra avec nous de l'engagement des jeunes dans les mobilisations de cette semaine. Et pour finir, Inès vous proposera une devinette qui devrait éclairer votre connaissance de l'Union européenne. La CES, est-ce que ça vous parle ? La réponse se trouve en fin d'émission, restez avec nous pour la découvrir. Tout cela sans oublier notre désormais traditionnel flash culturel soumis aujourd'hui aux envies de Esther. Une ambiance musicale garantie par Gaëtan qui est en passe de devenir spécialiste des chansons venant des recoins européens et une gestion technique assurée par Angelina aux manettes derrière ses consoles. Mais tout de suite, on retrouve le journal européen concocté par Suzy. Alors que s'est-il passé en dehors des frontières françaises ? Et notre première actualité concernera l'Europe de l'Est, dont on ne parle que trop peu. En effet, dimanche dernier, le 5 mars, se sont tenues les élections législatives en Estonie. C'est le Parti de la Réforme, le Parti libéral de centre-droite, de la Première ministre Kaja Kallas, qui a remporté ces élections avec 31,2% des voix. La source d'inquiétude du gouvernement est l'arrivée en seconde position du parti d'extrême droite, le Parti populaire conservateur d'Estonie, avec 16% des voix. Les partis du centre-gauche, le Parti libéral, le Parti social-démocrate et le Parti conservateur compteront également des députés au Parlement estonien. Face à la montée de l'extrême droite au sein du Parlement, Kaja Kallas doit réunir une coalition majoritaire stable pour diriger le pays. Elle exclut cependant toute alliance avec le parti d'extrême droite. Nous devrions en savoir plus dans les prochains jours, car le président estonien doit désigner d'ici 14 jours un candidat au poste de Premier ministre qui disposera lui-même de 14 jours pour présenter son nouveau gouvernement au Parlement pour approbation. Nous vous tiendrons informés. Et oui, les enjeux électoraux des pays membres de l'UE sont des sujets passionnants. Et en parlant de politique, un pays n'a-t-il pas voté une nouvelle loi cette semaine ? Alors en effet, le Conseil des ministres en Espagne a adopté ce mardi 7 mars un avant-projet de loi qui vise à instaurer des mesures de parité en politique et dans les entreprises. L'idée de ce projet de loi était notamment de transposer une directive européenne qui a été adoptée à la fin de l'année 2022 et qui oblige les entreprises européennes à avoir 40% de femmes dans leurs postes non exécutifs. Cependant, le texte espagnol va plus loin que la directive car il prévoit d'imposer un quota unique à toutes les entreprises employant plus de 250 personnes et réalisant un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. De plus, cette loi ne concernera pas uniquement les entreprises, mais aussi, je cite, les instances de représentation des métiers, conseils, ordres, collèges ou barreaux. Et cette mesure s'appliquera aussi à la politique, puisque les partis auront l'obligation de présenter des listes alternant un homme et une femme à toutes les élections, que ce soit municipales, régionales, législatives ou européennes. Et surtout, la parité devra aussi être respectée au sein du gouvernement. Tous les partis espagnols sont favorables à cette réforme, sauf le parti d'extrême droite Vox, affaire à suivre, qui donnera peut-être des idées à d'autres pays européens. De belles perspectives donc en termes de politiques européennes favorisant l'égalité, mais je crois qu'il y a aussi eu un événement tragique très récemment. Alors oui, il faut aussi revenir sur la soirée tragique du jeudi 9 mars, durant laquelle une fusillade a eu lieu à Hambourg, en Allemagne, dans une église des témoins de Jéhovah. Cette attaque aurait fait au moins 7 morts et autant de blessés, et le tireur serait l'une des personnes décédées. À l'heure actuelle, la police n'a pas plus d'informations sur de potentiels auteurs en fuite, et bien que le motif de cette fusillade reste pour le moment inconnu, les autorités allemandes restent vigilantes face à une double menace qui plane sur le pays. D'un côté, le djihadisme, on peut par exemple penser notamment à l'attentat de Berlin en 2016, et de l'autre, l'extrémisme de droite, on peut penser cette fois-ci à l'attentat raciste de Hanau en février 2020. Nous avons donc une pensée pour nos voisins allemands et nous vous tiendrons informés sur la suite. Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité européenne, Suzy, bien nécessaire pour nous rappeler ce qu'il se passe chez nos voisins. Mais retournons tout de suite à notre sujet brûlant du jour, car oui, c'est de la réforme des retraites qu'il sera aujourd'hui question. Mais attention, tout cela vu depuis l'Europe et non pas seulement depuis la France. Et c'est maintenant Victor qui s'installe derrière le micro pour nous retracer l'histoire des systèmes de retraites européens. Une comparaison qui peut s'avérer bien utile pour mieux comprendre les protestations françaises. Aujourd'hui, nous restons donc dans l'actualité et nous allons aborder rapidement l'histoire du système des retraites à travers l'Europe et les différents types d'État-providence. Nous ferons ainsi référence aux deux modèles principaux de notre époque, à savoir le modèle bismarckien et beveridgien. Alors je préviens tout de suite, ne soyez pas effrayés par l'apparence complexe de cette chronique puisque nous verrons tous les éléments simplement et avec le plus de clarté possible. Et on te fait confiance, Victor. Alors revenons d'abord sur ces deux systèmes d'État-providence. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont leurs caractéristiques ? Alors pour commencer, le modèle bismarckien, hérité comme son nom l'indique du chancelier allemand Otto von Bismarck, nous vient de l'Allemagne des années 1880. Pour expliquer simplement sur quoi repose ce modèle, le socle du système de Bismarck est constitué des cotisations sociales. Ainsi, selon le modèle théorique, les prestations sociales sont financées par les cotisations et redistribuées de façon horizontale entre toutes les personnes ayant cotisé. C'est en quelque sorte l'invention des assurances sociales, mettant cependant en avant une cotisation de l'individu en fonction de son revenu. A l'inverse, le système beveridgien, né à la suite de la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne, se situe sur une logique visant à mettre en avant l'aspect collectif. Ainsi, ce système se finance sur un impôt commun, impactant l'ensemble de la population, éligible et venant en aide gratuitement aux individus, quelle que soit sa position sociale et ses moyens, et se présente comme la conséquence du rapport de l'économiste Beveridge, rédigé en 1942, constitue encore aujourd'hui le socle de l'État-providence britannique post-Seconde Guerre mondiale. Comme vous pouvez sûrement le constater, à l'issue de ces deux rapides présentations des systèmes, aucun pays européen n'est actuellement entièrement calqué sur un de ces deux modèles, mais met en avant une combinaison alliant à l'image de la France des prestations sociales liées à des cotisations, mais aussi assurées par une couverture de base gratuite pour chaque individu. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays européens mettent en place petit à petit des modèles d'État-providence et font donc émerger l'idée d'un État assurant le bien-être du citoyen du berceau à la tombe. En Angleterre, c'est l'idée du welfare state qui, sous l'impulsion des analyses économiques de Beveridge, met en avant pour la première fois en 1945 les allocations familiales, l'assurance retraite, l'assurance chômage, mais aussi le National Health Service, garantissant la gratuité des soins médicaux pour tous. La France, bien que possédant déjà quelques mesures de couverture sociale, lance la sécurité sociale en 1945, immédiatement après sa libération par le général de Gaulle. Cette sécurité sociale est plus affiliée au modèle bismarckien puisqu'elle se base sur les cotisations sociales prélevées directement sur les salaires et s'oppose donc au système britannique issu d'un impôt commun. Toutefois, il est aujourd'hui difficile d'enfermer chacun de ces modes de fonctionnement au cœur d'un système tant les passerelles entre ces derniers sont importantes. Un dernier exemple pourrait être la Suède qui très tôt, à partir des années 1920, met en place un très important système de prestations universelles financé par un prélèvement obligatoire important. Toutefois, son système comporte alors quelques limites puisqu'il s'avère très coûteux à l'État qui, à la suite d'une baisse de la croissance dans les années 1990, a entraîné une réduction de la générosité et l'adoption d'une politique monétaire de rigueur. Mais alors, qu'en est-il plus précisément des retraites ? Alors, les différents systèmes de retraite sont donc ensuite basés sur ces modèles. Ainsi, le modèle allemand privilégiera un système centré sur la contributivité où chaque ancien travailleur touchera une retraite proportionnelle à ses cotisations tout au long de sa carrière. Et le modèle anglais mettra lui en avant le principe de redistributivité où les impôts serviront de moyen de financement d'une couverture universelle assurée par l'État. Comme je l'ai déjà expliqué, tous les pays européens adoptent aujourd'hui ces systèmes mixtes. Les retraites sont donc financées par ces deux systèmes, même s'il arrive que certains exemples penchent davantage d'un côté que de l'autre. Faisons maintenant un rapide focus sur les contributions des travailleurs. En effet, il existe principalement deux types de contributions. La retraite par répartition, où les travailleurs actifs financent les pensions des retraités, et la retraite par capitalisation, où chaque travailleur met de l'argent de côté pour sa propre retraite. Au niveau européen, c'est bien le système par répartition qui reste le plus largement utilisé, complété parfois par une retraite par capitalisation. Enfin, comment les différences de calcul des pensions entre les différents États européens marquent-elles une opposition de modèles ? Il existe aujourd'hui trois types de calcul des pensions. Et c'est là toute la diversité. Le régime en annuité utilisé par 15 États de l'UE, y compris la France, pour résumer simplement ce calcul, est basé sur trois facteurs. Le salaire de référence, la durée de cotisation et le taux d'annuité augmentant en fonction de l'âge et de la durée totale des cotisations et la durée totale de travail validée. Le système de retraite à points consiste en la conversion des cotisations versées par l'individu au cours de sa carrière en points. Le calcul est donc fait en fonction du nombre de points accumulés par l'individu. Ce système est utilisé dans 5 pays de l'UE, notamment en Allemagne, mais aussi en France en ce qui concerne les retraites complémentaires. Et enfin, les comptes notionnels que l'on retrouve notamment en Italie et en Suède se traduisent par l'accumulation d'un capital virtuel correspondant à la somme des cotisations versées à leur départ, à la retraite. Les individus se voient donc verser ce capital via un coefficient qui prend en compte deux autres facteurs, l'espérance de vie au moment du départ et le taux de revalorisation. Bref, tous ces systèmes rendent la lecture compliquée, mais il est important de constater que le lien historique entre ces systèmes et les différentes adaptations faites au cours de ces dernières années contribue à une large diversité d'états-providence en Europe, n'étant pas dénué de critiques. Merci Victor pour ce voyage dans le temps et dans l'Europe. Et oui, parfois regarder chez le voisin peut devenir très instructif, mais cela peut aussi être un moyen de se rassurer, puisque je crois en effet que dans les années 80, la France n'avait rien à envier à la politique britannique de la Dame de Fer, j'ai nommé Margaret Thatcher. Heureusement, Gaëtan et ses chansons sont là pour nous rappeler qu'il y a d'autres moyens de lutter. Et en l'absence de celui-ci, je vais me charger de vous livrer ses interprétations. Dans sa chanson Ordinary Men, sortie en 1985, Christy Moore dénonce les conditions de vie des ouvriers en Irlande et en Angleterre, avec les fermetures d'usines et le chômage. Tonight they're going to shut this factory down. Oh, but everywhere I go, the answer is always no. There's no work for anyone here today, no work today. La chanson arrive dans un contexte post-grève des mineurs de 1984 contre le projet du gouvernement Thatcher de la Commission nationale du charbon. Now we're on it. I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. I've had to work for everything I own. I never asked for a lot. I was happy with what I got. Enough to keep my family and my home. They say the times are hard, and they've handed me my cards. They say there's not the work to go around. But when the whistle blows, the gates will finally close. Tonight they're gonna shut this factory down. Then they tear it down. Et merci à Gaëtan pour ses analyses. Si la question britannique vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller podcaster les grandes traversées sur France Culture qui retracent le parcours de Madame Thatcher. Voici maintenant venu le moment d'accueillir notre invitée du jour. J'ai nommé Louise Wagner, étudiante sur le campus de Sciences Po à Nancy et militante à l'UNEF, principale organisation étudiante de France. Elle est venue aujourd'hui nous parler de l'enjeu que représente la réforme des retraites pour les jeunes, mais aussi des raisons de son engagement. Et Carmen, il me semble que tu as préparé quelques questions pour Louise. Alors bonjour Louise et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venue aujourd'hui au studio d'Europe & Roll pour nous parler de la relation entre les jeunes et la réforme des retraites. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. En quoi cette réforme des retraites impacte-t-elle les jeunes ? Donc, le but principal de la réforme, c'est de prolonger l'âge de départ de la retraite à 64 ans et d'allonger la durée de cotisation nécessaire pour espérer obtenir une retraite à taux plein. Ce qui fait que mécaniquement, les travailleuses et les travailleurs vont rester plus longtemps sur le marché du travail et donc empêcher les jeunes d'y rentrer dès la sortie de leurs études. Il va y avoir moins de renouvellement sur le marché du travail et c'est terrible puisque aujourd'hui le chômage des jeunes c'est l'un des plus élevés. Et avec cette retraite, il va risquer de progresser encore plus. Aujourd'hui, on sait que les jeunes, ils obtiennent un emploi en moyenne, donc un emploi stable, à 27 ans. Sauf que pour espérer avoir une retraite à taux plein, ils devront cotiser 43 années et donc travailler en gros 43 ans pour espérer avoir leur retraite à taux plein. Sauf que s'ils rentrent sur le marché du travail à 27 ans, ça va les emmener à travailler non pas jusqu'à 70 ans, mais jusqu'à 67 ans parce qu'il y a la décote. Mais 67 ans, c'est déjà... extrêmement long. Donc nous aussi, en tant que jeunes, on est impactés par cette réforme, même si le gouvernement n'en parle jamais. D'accord. Et quel rôle ont actuellement justement les syndicats étudiants comme l'UNEF, dont tu fais partie, dans la mobilisation actuelle contre la réforme proposée par le gouvernement ? Déjà, on a un rôle d'information. On est là pour informer nos camarades qui ne sont pas forcément tous au fait des enjeux de la réforme des retraites et notamment les enjeux concernant les étudiantes et les étudiants. Ensuite, l'UNEF, on est un syndicat qui existe maintenant depuis un siècle, qui a une grande place dans le paysage politique et syndical, et donc on est écouté. Donc vraiment, un de nos rôles, c'est aussi de porter les revendications de ces jeunes, de faire entendre leur voix. Et je pense que le rôle le plus important, c'est d'organiser la lutte, de structurer la mobilisation. Donc on va faire des actions contre la réforme des retraites, on va se mobiliser et puis on va être présent en manifestation pour soutenir les travailleuses et les travailleurs qui sont impactés par cette réforme et aussi pour soutenir les actions qui vont être menées par nos autres camarades qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément leur carte, qui ne sont pas forcément dans un syndicat. D'accord. Alors, sur notre campus de Sciences Po à Nancy, il y a actuellement un blocus pour soutenir la mobilisation nationale des travailleurs et il est l'objet de vifs débats au sein de la communauté étudiante. Comment perçois-tu cette situation ? Je pense que c'est normal que le blocus fasse débat, puisque c'est une forme de mobilisation qui peut paraître pour certains plus radicale que simplement se rendre en manifestation. Mais c'est aussi... je dirais, un des buts, en fait, du blocus, de provoquer des réactions, des discussions, que les gens viennent sur le blocus, échangent et essayent de mieux comprendre la cause pour laquelle on se bat. Une des idées du blocus aussi, c'est de faire la lumière sur la mobilisation et sur l'injustice de cette réforme des retraites, puisqu'on le voit, lors de blocus, les médias se déplacent beaucoup plus facilement nous voir et viennent nous interroger pour tenter de comprendre pourquoi nous, on se mobilise. En fait, en tant que jeunes, on a besoin et on a envie d'être entendus et on a besoin de montrer aussi aux travailleurs et aux travailleuses qu'on est là, qu'on les soutient. Or, on ne nous écoute pas et donc on ne nous prend pas au sérieux. Donc, on utilise tous les moyens qu'on a à notre disposition. Et notre université, notre école, ça fait partie, ça a une énorme place dans notre quotidien. Donc, c'est normal que dans des cas extrêmes, on s'en saisisse pour revendiquer ce qu'on a besoin de revendiquer. Et finalement, est-ce que la mobilisation qui est en marche depuis le 19 janvier ne vaut pas quelques sacrifices et notamment quelques heures d'apprentissage sacrifiées ? Voilà, c'est une question qui se pose et que je pense très importante. Oui, en effet, question importante. Et pour conclure cet entretien, est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter ? Je voudrais juste ajouter qu'à l'UNEF, on continuera de se mobiliser contre cette réforme des retraites qui est... injuste et injustifiée et qui affecte particulièrement les métiers précaires ainsi que les femmes et assignées femmes. On continuera de suivre les mobilisations de l'intersyndicale, de soutenir les travailleuses et les travailleurs parce que le modèle de société que le gouvernement souhaite nous imposer, c'est un modèle de société que la majorité de la population aujourd'hui rejette et c'est ce que l'on voit avec les fortes mobilisations qui sont en marche depuis le 19 janvier contre ce projet de loi. D'accord, et bien un grand merci à toi Louise d'être venue pour nous parler aujourd'hui de l'enjeu de la réforme des retraites pour les jeunes. Merci à toi Carmen d'avoir mené cette interview et merci encore à Louise de sa présence. Et puisqu'on parle justement d'organisation syndicale, je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé s'il existait une possibilité pour les travailleurs issus des pays membres de l'UE de faire valoir leurs revendications à l'échelle européenne. Ou pas, mais bon, la question, moi, je me la pose. Et il est maintenant l'heure d'obtenir la réponse à notre devinette de tout à l'heure. Inès, délivre-nous enfin et dis-nous en plus sur la CES. Alors, quand je suis passée mardi dernier place Carnot vers 13h30, j'ai été accueillie par les drapeaux rouge, jaune et blanc de la CGT. Dressés dans le vent, ils étaient accrochés au camion qui diffusait l'iconique titre des Sales Majestés. Donc ça fait « Les patrons, c'est comme les cochons, ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. » Donc ce sont des bâtards en costard qui assassinent à coups de dollars, etc., etc. Les bâtards en costard qui brassent des milliards, surtout sans payer assez d'impôts ou en ne garantissant pas une juste redistribution des richesses aux salariés, ça n'existe pas qu'en France, mais dans toute l'Europe. Bien que les chanteurs parlent de dollars, les grands patrons européens n'ont pas à être jaloux de leurs voisins américains. Le chiffre d'affaires de Nestlé, par exemple, champion européen, se compte bien en euros, 53,14 milliards même. Et s'il existe un patronat européen, j'imagine qu'il existe bien des luttes syndicales européennes, n'est-ce pas ? Et tout à fait. Et la nécessité des luttes syndicales est une réalité européenne, puisque, comme le rappelle bien la CGT, on observe une incidence grandissante de la législation européenne sur la vie de tous les jours, ce qui a conduit à changer le cadre d'action des syndicats. Et si les travailleurs sont davantage soumis à la législation européenne, ils ont également besoin d'une protection européenne. C'est pourquoi la Confédération européenne, toujours des syndicats, est née en 1973. L'organisation affirme parler d'une seule voix au nom des travailleurs européens. Elle rassemble tous les grands syndicats représentant les salariés d'Europe. Donc on parle de 89 confédérations syndicales nationales, dont la CGT par exemple. Et elle compte aussi dans ses rangs 10 fédérations syndicales à portée exclusivement européenne. Mais pourtant, nous, les Européens, on n'est pas tellement à plaindre au niveau du droit du travail, non ? Alors effectivement, malgré des disparités nationales et un taux de chômage important, l'Union européenne est connue pour ses droits sociaux plutôt protecteurs par rapport à la moyenne mondiale. Et cette Europe sociale repose bien sûr sur des textes, contraignants ou non, sur des institutions comme l'Autorité européenne du travail, mais pas que. Les acteurs syndicaux ont bien sûr leur rôle à jouer en termes de dialogue social au sein d'une Union européenne jugée technocratique et déconnectée de ses citoyens. L'ambition de la CES est d'unifier les différents courants syndicaux autour d'un projet social-démocrate. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment s'organisent concrètement leurs actions ? Il existe en fait des espaces de dialogue et de négociation conçus pour les entreprises représentées par des associations patronales et les partenaires sociaux. Et ces espaces permettent de redéfinir les normes sociales européennes qui aboutissent à l'adoption de textes. On parle, comme dans le monde syndicaliste national, de négociations d'accords cadres sectoriels qui sont ensuite mises en œuvre sous forme de directives européennes. Le premier accord cadre important, en 1996 par exemple, concernait le développement du congé parental. La CES a aussi contribué à faire intégrer la charte des droits fondamentaux au projet de traité constitutionnel de l'Union européenne. Et en dehors de ces négociations officielles, la CES utilise aussi les mobilisations sociales pour exprimer ses idées. Et à propos d'idées, la Confédération repose sur un centre de recherche indépendant basé à Bruxelles, l'Institut syndical européen, qui produit des recherches sur des thématiques socio-juridiques liées au travail, entre autres. Mais la CES est-elle vraiment indépendante et a-t-elle véritablement de l'impact sur la vie des travailleurs européens ? Il faut en effet préciser que la Confédération européenne des syndicats est en partie financée par la Commission européenne. Son champ d'action est également par définition limité. Elle ne peut pas, par exemple, agir directement sur les rémunérations des travailleurs, puisque c'est une prérogative de l'État. Finalement, la Confédération européenne des syndicats est à l'image de l'Union. Elle promeut une culture du consensus, des valeurs social-démocrates, sans remise en cause réelle du libéralisme, le tout à un rythme diplomatique plutôt lent. Voilà. Alors, au sein de l'UE, on a les organisations syndicales qu'on mérite. La pendaison des patrons hurlés dans la rue, c'est donc pas tout à fait au programme. Ça, c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et merci Inès, on saura désormais que malgré tout, il est possible d'organiser des actions syndicales à l'échelle de l'UE, même si effectivement l'ambition révolutionnaire du projet est relative. La musique peut-elle aussi servir d'outil de dénonciation et de revendication sociale ? On va écouter Racaille de Kerry James, sorti en 2016 après une lettre à la République qui critiquait l'État français. Ici, le rappeur d'Orly s'attaque à la classe politique française qu'il accuse d'hypocrisie et de manipulation en les comparant aux racailles tant dénoncées par les politiques à l'époque dans les cités. Deuxième volet d'un triptyque qui sera conclu avec « À qui la faute ?» en 2019, Racaille est un exemple typique de la dénonciation dans le rap conscient en France, dont Kerry James est la figure de proue.

On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour parler avec vous d'actualité européenne. Mais avant de se quitter pour de bon, Gaëtan nous rappelle en musique qu'on ne peut ignorer d'autres revendications venues d'autres États européens qui se battent encore et toujours pour leur liberté. Direction donc l'Ukraine avec Razom Nasparato, Ensemble, nous sommes nombreux, en ukrainien, scandé pendant la révolution orange de 2004. Tous ensemble, nous sommes un, tous ensemble, nous sommes forts, Dieu est mon témoin, nous avons attendu trop longtemps. La chanson sortie pour contester les résultats de l'élection présidentielle du fait de suspicions et de corruption résonne encore particulièrement dans le contexte actuel. Разом нас багато, нас не подолати. Разом.